Du jamais vu chez Delbault Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler ici de commentaires hebdomadaires de Phil Desgrains. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, ce qui a fait parler plus que les séries éliminatoires et autant que je dirais que le Canadien, c'est la guerre entre Québécois et TVA Sports et Bell. Comment t'as trouvé ça? C'est quoi ta façon de voir les choses, toi? Je t'avoue, honnêtement, quand je regarde ça, je trouve que c'est une guerre entre deux géants qui se font la guerre depuis de nombreuses années et c'est le public qui est au centre de ça, qui doit écoper. Et je trouve ça un peu malheureux. Moi, je pense que ces deux compagnies-là auraient dû s'asseoir à la même table pour régler cette situation-là. Ils n'avaient pas à transporter ça devant tout le monde, à subir ça. Quand t'es pas... Tu sais, je veux dire... C'est qu'une question de redevance, c'est une question de tarif, qu'est-ce qui te rapporte ou pas. Moi, je pense que ce que Vidéotron n'est pas satisfait, une chose à faire, c'est de s'entendre avec eux autres, faire une paix au CRTC, aller se rencontrer. Manière ou l'autre, le contrat était terminé, mais là, on a dit qu'il fallait au moins avoir un avis de 180 jours pour les aviser qu'ils ne donneraient pas le signal. Deux, est-ce que ça a pris beaucoup de Québécois vraiment des séries de la Coupe Stanley? Quand le Canadien n'est pas là, Danny, tu sais comme moi, les codes d'écoute baissent de façon dramatique. Moi, je suis un fan de hockey, puis je t'avoue, hier soir, j'ai écouté plus les Blue Jays que les deux matchs de hockey qu'il y avait. Parce que les Blue Jays venaient 5-0, puis là, c'est 5-3, puis ça a été 5-4, 5-5. 95 000 à 12 000, c'est même pas là. Ça s'est terminé à 9e manche. J'avais plus d'intérêt à suivre ça, vraiment, que de regarder le match de hockey. Donc, moi, je pense que le public, en général, est pris là-dedans, mais est-ce qu'ils sont vraiment, vraiment dérangés par ça? J'ai des doutes là-dessus. Mais, écoute, depuis des années, il est prouvé que RDS fait beaucoup et d'argent. Et Nordique aussi. Rappelle-toi, c'est tout à fait comme Nordique. Beaucoup d'argent. Mais tout le monde savait que le moment où, il y a 4 ans ou 3 ans, quand on a le fameux contrat de près de 80 non. millions qu'on a signé pour avoir le Canadien de Montréal puis toutes les séries éliminatoires, tout le monde savait à ce moment-là que vraiment TVA perdrait énormément d'argent si le Canadien ne faisait pas des grands bouts. C'est exactement ce qui est arrivé. 3 fois dans les 4 dernières années, le Canadien n'a pas fait les séries. TVA manche bas, au niveau des codes d'écoute, au niveau des commerciants, au niveau des... Ben oui, en principe, là, mais écoute, moi ben là, j'espère qu'il y avait rien d'acquis, puis tout. François Gagnon. De ça, c'est que depuis ce temps-là, ça, le dossier n'a pas bougé ben. Donc moi, personnellement, je me dis que si eux autres étaient assurés d'avoir des Nordiques, c'est TVA qui s'est tiré dans le pied, là. Mais au moment où je te parle, moi, personnellement, là, sont en cours aujourd'hui pour essayer de régler la situation. Moi, je trouve que personne s'attendait à ce que TVA mette en application, mais des gens, je pense que c'est chez vous que Gagnon, Benoît, c'est Benoît Gagnon, comment il s'appelle? François Gagnon a dit qu'il n'est pas surpris de la réaction de Pierre-Carl Péladeau. Moi non plus, je ne suis pas surpris. M. Péladeau, il est comme ça. Il décide de faire des choix, ben, il vit avec, là. Phil, je suis pas sûr, moi, que l'impact la trouve drôle, celle-là, là. Non, sûrement qu'elle trouve pas drôle, celle-là, là, parce qu'eux autres, là, sont pas au conflit, au centre de ce conflit-là. Exemple, si le même conflit aurait existé, puis le Canadien aurait été en série, est-ce que, on aurait fait ça. Ouais, on aurait été pas mal plus impliqué qu'on l'est actuellement. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il y a personne qui va être gagnant de cette histoire-là, d'aucune façon. Mmh. Et les grands perdants là-dedans, c'est pas nécessairement les téléspectateurs. Les téléspectateurs ont décroché un peu au Québec de ce qui est des séries éliminatoires. Deuxièmement, moi, je regarde. Demain matin, TVA couperait. Je m'en vais à Sportsnet, puis j'ai tous les matchs pareils, là. Exactement. Donc, moi, je pense pas que ça dérange tant que ça. Et là, en plus, Bell a réagi en donnant Sportsnet gratuit à ceux qui ne l'ont pas. Donc, à ce moment-là, les gens suivent le hockey quand même, puis les maniaques, vraiment, les fans. Puis deux, à 22h30 le soir, je ne suis pas sûr que les gens suivent ça de façon régulière. Phil, dernière question, après ça, on va passer à un autre sujet. Penses-tu qu'il y a trop de postes de sport au Québec actuellement? Les Nordiques de toute évidence ne seront pas de retour. Les Expos de toute évidence, eux, vont être de retour. Mais tout indique que ça va être Bell va être propriétaire. Donc, ce qui veut donc dire que les matchs vont aller à RDS. Donc, Je pense que pour le petit marché du Québec, la guerre que se livre actuellement, TVA puis RDS, il est vraiment, vraiment, vraiment majeur. Mais moi, personnellement, je pense que le téléspectateur est gagnant là-dedans. Moi, j'ai ce que je veux avoir. Honnêtement, dernièrement, je négociais avec Vidéotron mon forfait. Il y a quelques années, Danny, TSN1, tu payais, TSN2, tu payais, Sportsnet 1, tu payais. Maintenant, tu t'abonnes, tu dis TSN, t'es à tous les 5, Sportsnet, t'es à tous les 4, tu passes à RDS, t'es à tous les 2, puis quand tu arrives à TVA Sport, t'es à également 2. Donc, à ce moment-là, ça compte pour une chaîne. Mais avant, on se rappelle, c'était 5-6 chaînes que ça exigeait. Donc, c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, ils se sont ajustés, puis ils n'ont pas le choix parce que veut ou veut pas. Mais ça, c'est la compétition qui a fait ça. C'est la compétition qui a fait que Bell est arrivé, TVA est là également. Avant, si tu n'avais pas eu ça, on était confinés à dire il y a seulement qu'RDS. Ouais. C'est un peu pourquoi qu'RDS récolte des meilleurs codes d'écoute. Il faut admettre que c'est une question d'habitude également. Et deux, au Québec, RDS fait beaucoup plus pour une raison. Ils ont 62 matchs canadiens, alors que TVA, quelqu'un qui doit faire le choix, en a seulement que 22. Ouais. Et là, puis deuxièmement, le match du samedi soir des Canadiens, à CBC, quelqu'un qui l'a dans son forfait de base, il l'a régulièrement. Oui, effectivement. On va y aller avec ce qui s'est passé au bilan de Marc Bergevin. Je parlais avec des gens cette semaine, et moi, je suis pas fier si c'est avec toi, je n'ai parlé la semaine passée. Le piège que Bergevin ne doit pas faire, c'est de s'endormir. Puis ça, il l'a fait souvent par le passé, puis de trop surévaluer son équipe. Mais moi, je pense pas. Je pense que le Canadien sait où il est rendu. On voulait, et le mot d'ordre l'année passée, c'était changer de climat. Semble-t-il qu'effectivement, l'attitude. Et l'attitude, semble-t-il, a énormément changé. Deux, les changements qu'il a apportés, faut admettre que Bergevin a réussi. Dans les transactions, Galchenyuk, Pacioretty, ça lui va. Maintenant, il est allé chercher quelques éléments supplémentaires qui ont donné des résultats. Maintenant, il s'agit de voir, dans le processus, est-ce que le Canadien... Moi, je pense que le Canadien, au prochain, ce que doit faire le Canadien, vraiment, lors des marchés des joueurs autonomes, ils ont de la marge de manœuvre au niveau du plafond salarial. Il faut qu'ils tentent d'aller chercher un ou deux joueurs autonomes qui vont être un défenseur parmi les top 4, puis un attaquant parmi les top 6. Si Bergevin réussit ça, avec les jeunes joueurs qui s'en viennent dans l'organisation, moi, je pense que le Canadien, pour les prochaines années, va être en bonne situation. Mais tout le monde sait très bien que l'année passée, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas pris le Canadien cette année, plutôt, n'ont pas pris le Canadien vraiment à bon escient parce qu'ils s'attendaient, tout le monde s'attendait à ce qu'ils finissent terminés dernier, très, très bas dans le classement. C'est pas arrivé, ils ont lutté jusqu'à la fin avec 94 points. Donc, ce sera plus dur l'an prochain. Est-ce que il y a 5 ou 6 joueurs qui ont obtenu leur meilleure saison en carrière? Ça va arriver à nouveau? Je suis loin d'être sûr. Donc, ça va prendre absolument du renfort. Moi, je pense que ça prend un attaquant top 6 et un défenseur top 4. Est-ce que Bergevin va être capable de réaliser ça? Ça, je ne sais pas. Mais il y a l'argent pour le faire. Il y a l'argent pour le faire, mais il faut pas Et trop... deuxièmement, c'est qu'il y a de jeunes joueurs dans l'organisation qui s'en viennent, qui vont être prêts bientôt à sauter de le grand club. Et moi, je pense que ça, c'est très important que le Canadien continue là-dedans à inclure dans son équipe un ou deux jeunes joueurs par année pour vraiment progresser, d'y aller également avec les prochaines années. OK. Phil, en terminant les séries, comment tu vois ça? Il y a eu des surprises. Oui, Tampa Bay, c'est déjà un match important à soir, hein? Ah non, écoute, il y a des équipes, exemple, Tampa Bay n'a pas le droit de perdre un deuxième match chez eux d'affilée. Non. C'est rien derrière 2-0 pour aller dans... Puis tu te retournes sur l'équipe adverse. Même chose pour Boston, qui ont vu. Même chose pour la formation de Nashville. Donc, il y a plusieurs formations qui ont perdu le premier match à domicile. Les Jets. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent 2-0. Mais moi, je pense que Boston va revenir parce que j'ai regardé un peu le match de Boston contre les Leafs de Toronto. Moi, deuxième période de Boston, jouer comme ça, là, créer 3, 4, 5 revirements, là, je l'ai rarement vu. Donc, moi, je pense que c'est pas le temps ou jamais qu'ils vont réaliser ces choses-là. Je pense qu'ils devront absolument connaître un peu plus de succès. Phil, on s'en parle le vendredi prochain. Commentaire de Phil et Gagnon.